Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, comme c'est gentil de nous écouter, aujourd'hui c'est une émission extrêmement importante puisque j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, nous présentons dans cette émission tous les concerts de la saison 2025-2026 en compagnie du président de la LMC, Philippe Fosseux, qui, par ailleurs, nous propose un programme musical concocté par lui-même, avec des coups de cœur, des nouveautés, des choses qu'il a envie de faire partager aux auditeurs. Merci Philippe, et bonjour Philippe. Bonjour. Eh bien, on va commencer par parler donc de ce concert qui sera donné lundi 24 à 20h, salle Poirel. Et bon, Renaud Capuçon au violon, je crois qu'il est inutile de le présenter aux auditeurs. Oui, ce serait... Et puis Guillaume Bellhomme au piano, lui par contre on pourra peut-être en dire un mot. Alors tout d'abord, Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner le programme du concert? Alors nous aurons deux grandes parties, avec l'une qui inclura la sonate Le Printemps de Beethoven, qui est un des très grands numéros de Beethoven pour piano et violon. C'est une des sonates qu'on entend le plus souvent, mais c'est aussi une des sonates les plus emblématiques du compositeur. Et en seconde partie, on entendra la sonate pour violon et piano de Richard Strauss, qui est, elle, beaucoup moins connue, beaucoup moins jouée, mais toutefois très intéressante, très belle sonate romantique. Alors, Philippe, quand on programme une saison de concert, est-ce qu'il y a besoin de prévoir une ou deux têtes d'affiche vraiment très populaires, très connues du grand public pour assurer la pérennité de la saison ? Évidemment, on a un choix à faire qui est un choix entre des centaines d'artistes. J'essaie d'équilibrer en mettant effectivement deux têtes d'affiche importantes, médiatiques, connues, attendues par le public. De même que j'essaie de mettre de jeunes artistes en devenir et puis des artistes confirmés mais moins réputés ou moins médiatique surtout. Oui. C'est pas trop la réputation qui est un problème, c'est le fait d'être plus ou moins médiatique. D'être connu, évidemment. Alors, Renaud Capuçon, lui, il n'y a pas de problème. Toutes les émissions de musique classique à la télévision, il n'en reste pas beaucoup, mais enfin quand même. Oh, il y en a quand même pas mal encore. On en voit, disons que c'est plus de la musique classique au sens propre du terme, mais c'est plutôt des musiciens classiques qui viennent faire un petit peu de variété en réalité. Alors, vous avez choisi, pour commencer notre programme musical, le concerto pour violon de Sibelius. C'est un enregistrement qui vient de paraître. C'est un enregistrement qui vient de paraître et c'est un enregistrement avec l'orchestre de la Suisse romande, donc qui est dirigé par Daniel Harding. Grande référence dans le domaine. C'est une œuvre qui est très intéressante. Hein, Sibelius était violoniste lui-même, donc il savait ce qu'il faisait en composant. Ça n'était pas quelque chose de hasardeux. C'est probablement une des plus enregistrées et puis une des plus diffusées. Ouais. C'est aussi une des plus difficiles. Ouais. Voilà. Ouais, il en a fait plusieurs versions d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs révisions de ce concerto très célèbre ont été enregistrés. Il y a des labels scandinaves comme BIS qui ont proposé des enregistrements de toutes les versions. Bon, on ne va pas aller jusque-là, mais il y a quand même des différences notoires d'une version à l'autre. On va écouter le final de ce concerto pour violon de Sibelius avec Renaud Capuçon, présent à Nancy, salle Poirel, le lundi 24, donc après-demain, pour un récital en compagnie du pianiste Guillaume Bellhomme. On en redira un petit mot de ce pianiste tout à l'heure. Hein. Thank you.

Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet, les samedis et dimanches de 11h à midi. C'était le final du concerto pour violon de Sibelius avec Renaud Capuçon, l'orchestre de la Suisse romande, direction Daniel Harding. Le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'ALMC, Association Lorraine de Musique de Chambre. Et on va rappeler quand même que Renaud Capuçon sera dans nos murs à Nancy lundi après-demain à 20h, salle Poirel, pour un récital Beethoven, Richard Strauss et sans doute quelques surprises. Mozart. Un petit mot quand même sur le pianiste Guillaume Bellhomme, parce que j'ai l'impression que sinon ça va se transformer en concert de violon avec accompagnement de piano. Donc il faut quand même parler de ce pianiste. Alors oui, il faut parler aussi du pianiste, qui est un jeune pianiste extrêmement intéressant et tout à fait performant. Il est venu à la musique assez tardivement et il est... passionné par la musique de chambre, donc il travaille en collaboration avec des tas d'artistes, et en particulier avec Renaud, avec lequel il s'entend très très bien. Mmh. Et en l'occurrence, les deux grandes sonates qui vont être jouées ne sont pas des sonates où le violon prédomine. Mmh. Ce sont des sonates comme Strauss, où le violon est important, mais où le piano a aussi sa place et sa part de dialogue. On est à égalité, en quelque sorte. Tout à fait. À propos de piano... vous avez eu envie de nous proposer un extrait d'un recueil de Tchaïkovski qui n'est pas très très connu finalement, même si les grands pianistes, beaucoup de grands pianistes l'ont enregistré, c'est Les Saisons. Les Saisons, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas souvent diffusé. Ouais. Les Saisons sont 12 petites pièces, qui sont des pièces qui portent tout le nom d'un mois, de janvier à décembre. Un calendrier, quoi. D'un calendrier, en quelque sorte. Et alors, je l'ai programmé aussi parce que on va retrouver la plupart de ces pièces dans un récital futur de la LMC, qui sera Sophia Liu, qui est une magnifique pianiste canadienne d'origine chinoise, 17 ans, magnifique, magnifique jeu, qu'on aura la prochaine saison. Et donc, j'avais envie de passer quelque chose qui, vous allez reconnaître tous, sans aucun problème, le thème, mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, effectivement. Oui, c'est un thème qu'on enregistre très très vite une fois l'avoir entendu, parce que c'est un thème très très beau d'ailleurs. Oui. Ce qui explique que vous n'ayez pas choisi novembre, hein, parce qu'on n'y a plus choisi novembre. Ben, j'aurais pu, mais il fallait bien faire un choix. Il fallait bien faire un choix. Allez, Les Saisons, juin, Barcarolle, tiré du recueil de Tchaïkovski avec Dimitri Maslev. Donc un pianiste que vous avez reçu. Pianiste déjà. Russe qu'on recevra aussi bien prochainement. Bon. Thank you. Une page très méditative, hein. Juin, tiré des saisons de Tchaïkovski avec au piano Dmitri Maslev. Donc, c'est la période des calendriers, alors ça tombe bien. C'est un magnifique pianiste hein, que vous recevrez bientôt, Philippe. Ah Fossel. Oui, tout à fait. Il est prévu dans les pianistes à inviter dans les saisons qui viennent. Dans les saisons qui viennent, on va rappeler que vous êtes président de l'association Lorraine de musique de chambre, prestigieuse association déjà, qui est sexagénaire, hein, largement. 80 ans, 80 octogénaire. Ans. Nous fêterons le 27 décembre de l'année prochaine, oui. 2027, pardon, oui. Nos 80 ans, puisque l'association date de 1947. Et on peut prévoir déjà qu'il y aura pas mal de On peut prévoir qu'il va surprises. Y avoir quelques grands noms, effectivement, et quelques concerts très très intéressants. Alors, donc, on va continuer à présenter votre programme, cher Philippe, et vous avez eu envie d'écouter une violoniste que je trouve absolument admirable, une femme vraiment charmante en plus, c'est Elsa Gretter, qui est magnifique dans ce répertoire espagnol qu'elle a enregistré, Pablo de Sarasate, et vous l'aviez reçu l'année dernière, me semble-t-il, Elsa Gretter, dans le cadre oui, de l'association. Nous l'avons reçue dans le cadre de l'association, et nous avons gardé un très bon contact avec elle, c'est effectivement une violoniste fantastique, de très grande qualité, qui avait énormément marqué le public par la qualité de son jeu. Mmh. Donc elle reviendra bien sûr quand je ne sais pas, mais elle reviendra, ben ça c'est sûr. Mmh. Et j'ai choisi ça parce que c'est alors elle est là accompagnée par Ferencvizi qui lui aussi était venu il y a quelques années pour nous jouer des rhapsodies hongroises et ensemble ils ont fait dans la musique espagnole. Donc c'est un très beau CD que moi je recommande en tout cas. Granada. Voilà. Paru chez Aparté. Allez, on va écouter un extrait donc, de cette Carmen Fantaisie de Pablo de Sarasate avec l'extraordinaire Elsa Gretter. N'hésitons pas à le dire parce que vraiment, c'est une violoniste, comme vous l'avez dit, qui avait époustouflé le public Tout par à sa fait. Virtuosité. Tout à fait. Et puis Ferencvizi qui est en osmose avec elle dans ce répertoire. Oui. Thank you. Ah, ça impressionne hein, quand même. Hein. Quelle virtuosité, quel feeling aussi dans cette musique. Hein, parce qu'il faut que ça soit un peu chaloupé. Hein. Oui, tout à fait. Oui, il faut que ce soit dansant, il faut que ce soit agréable et entraînant. Oui. Alors, c'était Pablo de Sarasate, la fantaisie Carmen, avec Elsa Gréter au violon, Ferenc Vizi au piano. Toujours le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre, qui nous présente aujourd'hui le prochain concert qui aura lieu lundi 24 à 20h, salle Poirel, avec le grand Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme. On va rester en Espagne avec le titre que vous avez choisi encore. Oui, un titre qui a bercé mon enfance, que j'entends. Mais mon père adorait ce morceau, donc il le passait souvent. Et c'était donc en fait, j'en connais chaque note et c'est quelque chose qui j'ai pensé effectivement que ça allait être très bien dans le programme d'aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que je dis ça parce que ma grand-mère, qui ne connaissait rien du tout la musique classique, adorait ce morceau. Oui, c'est normal. Je pense que c'est un morceau très populaire. Il est fait pour entraîner. Il est fait pour être populaire. Quoi. Ouais. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est un thème simple, un thème facile, qu'on mémorise tout de suite. Oui, ça mémorise vite. Bon, et puis l'harmonisation est fantastique. Voilà, donc. C'est Espagna d'Emmanuel Chabrier. On va quand même le dire, je ne sais pas si j'ai précisé que c'était ce morceau qui allait être diffusé. Espagna de Emmanuel Chabrier, le choix de Philippe Fosseux, mais vous m'avez laissé le choix de l'interprétation et j'ai préféré l'Orchestre National de France avec Armin Jordan. Thank you. La flamboyante Espagna d'Emmanuel Chabrier avec l'Orchestre National de France, direction Armin Jordan. Toujours le choix de mon invité Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Et à présent, un peu d'Arthur Honegger par Bertrand Chamaillou. C'est un pianiste vraiment important de notre époque, qui enregistre beaucoup d'ailleurs, et qui fait partie des plus grands. Hein. Tout à fait, oui, c'est un des pianistes les plus réputés actuellement. Nous l'aurons également dans une prochaine saison, dès que nous aurons trouvé une date ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Ah oui, ils sont demandés. Hein. Oui, oui, ce sont des gens très demandés et pas facilement disponibles. Donc c'est un pianiste qui adore Ravel, hein, c'est une de ses passions. Donc il a sorti ce récent CD sur lequel il y a tout un tas de d'hommages à Ravel ou de mémoires de Ravel par différents compositeurs. Et moi, j'ai choisi celui d'Honegger parce que je le trouve très agréable à l'écoute. Simple, facile et très bien interprété. Joli récital, tout un programme, donc Ravelien en quelque sorte, mais Ravel vu par les autres Ravel vu par les autres. Et puis, il y a quand même la valse de Ravel sur ce disque, absolument incroyable d'ailleurs, très jolie version. Tout à fait. Allez, on va écouter l'hommage à Ravel d'un confrère compositeur, hein, c'est Arthur Honegger, et c'est joué par ce pianiste vraiment très important aujourd'hui, c'est Bertrand Chamaillou. Une musique qui garde tous ses mystères, c'était l'hommage à Ravel d'Arthur Honegger, joué par Bertrand Chamaillou. Alors, toujours avec Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, on va rappeler donc le concert de Renaud Capuçon, lundi 24 lundi, à 20h, salle Poirel, et Guillaume Bellhomme au piano. Il ne faut pas l'oublier, Guillaume. Hein. Ah non. Et on va rester dans le registre pianistique, parce que vous avez eu envie de nous proposer un extrait du premier concerto de Franz Liszt. Alors, cher Philippe, pourquoi ce choix ? Oh, ça, c'est toujours la même chose. D'abord parce que je l'aime, deuxièmement parce que je l'ai entendu depuis très très très longtemps et très souvent. Et puis parce que c'est Daniel Barenboim qui joue au piano et que c'est quand même une référence musicale absolument extraordinaire. Je le revoyais récemment avec Martha Argerich à deux pianos, c'était tout à fait étonnant. Ouais. On va le passer d'ailleurs la semaine prochaine dans cette émission, Martha Argerich, Daniel Barenboim dans la sonate pour deux pianos de Mozart. Je le précise déjà un peu à l'avance. Voilà, très bien, bah ça, à ne pas manquer, merci, parce que merci, c'est vraiment une magnifique œuvre et une magnifique interprétation. Oui, Daniel... Alors, et puis c'est un concerto que Liszt a travaillé très longtemps. Il a cette version finale, c'est 20 ans de travail à peu près. Ouais. Il a changé, je ne sais pas, 25 fois le concerto, mais il n'a abouti au résultat qu'il attendait et qu'il voulait qu'au bout d'une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez extraordinaire. Allez, on va écouter le début de ce concerto très célèbre. Daniel Barenboim, bon, je pense qu'il est très cher, hein, mais ça serait bien de l'avoir à la Alors, MC. Daniel Barenboim, ce serait bien, mais c'est plus possible, d'abord parce qu'il est malade. Il est malade. Hein, ouais. Il ne joue plus trop, et en tout cas, il ne joue plus trop en récital. Ouais. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, effectivement. J'avais espéré Maria Joao Pires de la même manière. Il y avait des hésitations du fait de sa fatigue, et aujourd'hui, elle vient d'annoncer son arrêt de du représentation récital. Du récital. Allez, on va écouter un extrait de ce concerto de Liszt avec Daniel Barenboim qui a fêté il y a quelques jours son anniversaire et Pierre Boulez à la tête de la Staatskapelle de Berlin. Thank you. Le début, premier mouvement du premier concerto pour piano et orchestre de Franz Liszt, interprété par Daniel Barenboim au piano, alors la Staatskapelle de Berlin, direction Pierre Boulez. Ce n'est pas un enregistrement récent, mais tout à fait intéressant. C'était le choix de mon invité Philippe Fossuet, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Et après Liszt, et bien voici son gendre, Richard Wagner. Vous avez eu envie d'écouter le prélude de Lohengrin de Wagner. Pourquoi, Philippe ? Oh, parce que c'est une des ouvertures que je trouve les plus romantiques, les plus extraordinaires de Wagner. Il y a de très belles choses chez Wagner, pas tout à mon goût, mais ça en particulier, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est une œuvre que je trouve en soi suffisante. On n'a pas besoin d'écouter l'opéra derrière, quoi. Oui, et puis alors... Surtout qu'il dure 3h30. Alors j'en profite d'ailleurs pour signaler qu'en ce moment, disponible en replay, je crois que sur France Télévisions, le film Le Dictateur, où il y a une scène absolument époustouflante, où Charlot, qui incarne Hitler, pas tout à fait lui-même, mais tout à fait Hitler, mais enfin un personnage son qui lui ressemble beaucoup, voilà son avatar, eh bien danse avec fait un ballet avec le globe. Avec le globe terrestre, oui, absolument. De Wagner. Une des grandes scènes de ce film sur cette musique. Voilà. On écoute ce prélude du premier acte de Lohengrin de Richard Wagner avec peut-être un orchestre, un chef qui va surprendre Yevgeny Mravinsky, qui fut longtemps le chef un peu autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'orchestre philharmonique de Leningrad à l'époque de Staline. Et puis il a eu une belle longévité, donc un enregistrement qui date des années 80, reporté en 1992. C'était un large extrait, me semble-t-il, du prélude du premier acte de Lohengrin de Richard Wagner, l'orchestre philharmonique de Leningrad, direction Yevgeny Bravinsky, toujours le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Est-ce que vous pouvez nous présenter à nouveau ce concert qui sera donné lundi prochain, lundi 24? Donc lundi 24, avec Renaud Capuçon au violon et Guillaume Bellhomme au piano, avec des œuvres de Mozart, de Beethoven et de Richard Strauss, une sonate relativement peu connue. Pour Beethoven, ce sera le printemps, et le printemps, c'est pour bientôt, oui. J'espère. On espère, bien sûr, qu'après l'hiver, ça sera le printemps, ça serait un peu la logique des choses. Bon, on va terminer avec la fanfare de la Pairie, encore votre choix. Fanfare de la Pairie, une œuvre de Paul Ducas, l'orchestre de la Suisse romande, direction Ernest Ansermet. Que de cuivre, hein, vraiment, dans cette fanfare de la Pairie de Paul Ducas, l'orchestre, c'était l'orchestre de la Suisse romande, encore une fois, avec lequel d'ailleurs on avait ouvert l'émission, là cette fois dirigé par son chef historique Ernest Ansermet, toujours le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre, qu'on retrouvera bientôt pour présenter le concert suivant, qui sera donné d'ailleurs dans quelques semaines seulement. Hein. Oui, effectivement, parce que c'est toujours le deuxième dimanche de décembre que nous proposons le concert pour les jeunes. Merci Philippe. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain dimanche à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Je vous souhaite bien sûr un excellent samedi et je vous dis à demain.